C'est une histoire largement méconnue, une petite guerre entre alliés où tous les mauvais coups étaient permis et ils ont été nombreux. Je veux parler de la période qui a suivi immédiatement les accords de Genève sur l'Indochine en 1954. Après le désastre de Dien Bien Phu, les Français ont perdu la main. Le Vietnam est alors coupé en deux. Au nord, un gouvernement communiste dirigé par un nationaliste de toujours, Ho Chi Minh. Au sud, une monarchie théorique où le souverain, l'empereur Bao Dai, règne mais ne gouverne pas. D'ailleurs, il réside la plupart du temps en France sur la Côte d'Azur. Tout de suite après Dien Bien Phu, il a nommé un premier ministre, Ngo Dinh Diem, un catholique rigoriste et un homme à poigne. Mais le pays est alors profondément divisé et ce sont les diverses sectes politico-religieuses qui y font souvent la loi. La France a perdu, certes, mais son corps expéditionnaire, fort de plusieurs dizaines de milliers de soldats, est toujours présent. Et la jeune armée sud-vietnamienne est encore très francophile. Toutefois, les Américains qui ont puissamment soutenu notre effort de guerre sont déjà là. Dans le contexte de la guerre froide, ils entendent suppléer les Français et faire du Sud-Vietnam un glacis anticommuniste face à la menace de Hanoï qui rêve de réunifier le pays à son profit. Cependant, malgré l'alliance qui nous lie aux États-Unis, il existe essentiellement dans l'armée française des hommes qui ne sont pas prêts à passer la main. Déjà humiliés par la défaite, ces militaires veulent continuer à jouer un rôle au Sud-Vietnam et peser sur son destin. Il va donc s'en suivre une guerre secrète qui ne s'achèvera qu'avec le départ d'Indochine du corps expéditionnaire français en 1956. C'est l'histoire de cette lutte souterraine que m'a raconté M. X cette semaine. Tout a commencé très tôt. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, car nous avons déjà évoqué la genèse de cette affaire, mais les États-Unis sont intervenus en Indochine avant même la fin de la Seconde Guerre mondiale. Oui, en soutenant Ho Chi Minh, hein. Oui, il s'agissait alors d'aider les nationalistes vietnamiens à résister à l'occupant japonais. Mais il y avait aussi la volonté de ne pas permettre aux Français de reprendre pied en Indochine après la guerre. Le président américain Roosevelt était alors résolument anticolonialiste. On a donc vu des officiers états-uniens conseiller leurs futurs ennemis communistes, Ho Chi Minh et Giap. Mais évidemment, en 1949, avec la victoire de Mao Zedong chez le voisin chinois, tout change. D'autant que bientôt, ce sera la guerre de Corée. Ouais, et l'anticommunisme va succéder à l'anticolonialisme. Forcément. Mmh. Désormais, Washington va apporter une aide financière considérable à Paris dans sa lutte contre les forces Viet Minh. Une aide qui n'est toujours pas désintéressée. Oui, c'est-à-dire ? Bon, en réalité, les États-Unis voudraient être plus impliqués dans ce combat anticommuniste, en particulier en formant eux-mêmes les cadres de l'armée sud-vietnamienne. Il y a là-dessous l'idée que les puissances coloniales ont fait leur temps. La lutte doit dorénavant être menée prioritairement par les forces indigènes. Et pourtant, les Américains ne cesseront eux-mêmes de s'engager toujours plus au Vietnam au fil des ans. Hein. Oui, oui, c'est le paradoxe de toute cette histoire. Et ça se terminera, comme vous le savez, par un échec retentissant. Une défaite cuisante. Hein. Mais enfin, revenons dans les années 50. Les États-Unis ne sont pas tout à fait d'accord avec notre façon de mener la guerre. Mais ils sont bien obligés de nous soutenir. Parce que nous sommes dans le même camp. Oui, et puis pour éviter aussi le désastre de Dien Bien Phu, certains de leurs chefs envisageront même l'utilisation d'armes atomiques tactiques. Mais heureusement, la sagesse l'a emporté, tant du côté américain que du côté français. Pourtant, dès cette époque, les relations franco-américaines se tendent. Pourquoi ? Pour deux raisons essentielles. En dehors de l'affaire indochinoise, proprement dite, il y a la question de la CED, le fameux projet de création d'une communauté européenne de défense. Les États-Unis y sont très attachés, parce que ça leur permettrait de soulager leur effort défensif en Europe de l'Ouest. Mais en grande partie, à cause de la France, ce projet est abandonné. Et puis, il y a la question indochinoise. Washington a désapprouvé la façon dont les autorités françaises ont négocié à Genève. Que leur reprochait-on, hein? Les États-Unis étaient d'abord hostiles à la participation des Nord-Vietnamiens à la conférence de Genève. Je vous fais d'ailleurs remarquer qu'ils se sont abstenus de participer à cette importante réunion. Oui, mais ça leur permettait de ne pas se sentir engagés par ces conclusions. Hein? Évidemment. Ensuite, les Américains étaient hostiles à l'une des clauses qui prévoyait la tenue d'élections générales au Nord et au Sud, des élections qui préluderaient à la réunification. Mais encore une fois, pourquoi cette hostilité, hein? Bah parce que Washington était certain que Hanoï l'emporterait. Et donc ce Vietnam réunifié serait totalement communiste? Exactement. Mmh. Ça signifie que dès le lendemain de Genève, les États-Unis ont considéré que le Sud-Vietnam était un État à part entière. Qui n'avait donc pas vocation à être un jour ou l'autre réuni au Nord-Vietnam. C'est ça. Mmh. Et cette volonté se concrétise quelques semaines plus tard à Manille, lors de la création de l'OTAS, c'est-à-dire l'OTAN de l'Asie de l'Extrême-Orient. Le Sud-Vietnam ne fait pas partie des signataires, mais il est clair que pour les États-Unis, c'est un État comme un autre. Mmh. Est-ce que ça se traduit, ça, par une fracture entre la France et les États-Unis? Ah bah, officiellement, non. D'ailleurs, le président du Conseil, Pierre Mendès-France, ne manque pas une occasion de rappeler son attachement à l'Alliance Atlantique. Mais officieusement, il en va autrement? Oui, dans les coulisses, si vous voulez, et sans que le gouvernement de la France approuve. Ouais. Donc... clandestinement. Oui, oui, en cette période d'instabilité gouvernementale, Mendès-France ne restera lui-même que 7 mois au pouvoir, vous le savez. Mmh. Il est possible aux uns et aux autres de prendre des initiatives sans en référer à l'autorité de tutelle. Alors, voyons cela plus précisément. Au début de juin 1954, un curieux personnage arrive à Saïgon. Qui est celui-là? Un colonel américain, Edward Lonsdale. Autant le dire tout de suite, c'est un homme de la CIA et pas n'importe lequel. Ouais. Il me semble que vous m'avez déjà parlé de ce type. Oh, hein. C'est très possible. Et sans doute parce qu'on a souvent prétendu qu'il a servi de modèle à l'un des personnages du roman de Graham Greene, un Américain bien tranquille. Ah oui, il aurait même été cet Américain bien tranquille. Oui, enfin je ferai justice de cette histoire, même s'il est certain que les idées de Lonsdale ont sans doute inspiré Greene. Mais nous en parlons. Alors, qui est-il, me demandiez-vous? Ouais. Lonsdale, lorsqu'il arrive au Vietnam, a déjà derrière lui une longue carrière d'agent secret. Né un peu après le début du XXe siècle, Lonsdale est d'abord publicitaire. Puis pendant la Seconde Guerre mondiale, il est engagé par l'OSS. Oui, c'est l'ancêtre de la CIA. Hein, oui, oui, et il est affecté dans la zone pacifique. Nommé colonel, il s'occupe alors du renseignement interarmé. Il devient par exemple conseiller militaire auprès des troupes de Chiang Kai-shek. Mais c'est aux Philippines qu'il va gagner son bâton de maréchal, si je puis dire. Là-bas, après l'indépendance de l'archipel, les autorités doivent faire face à un mouvement de rébellion communiste. Lonsdale est chargé par la CIA de juguler ce danger. Et il a tout pouvoir. Ah oui, beaucoup d'argent, j'imagine. Ah, évidemment. Ouais. En tout cas, Lonsdale ne ménage pas ses efforts. Et dans cette lutte contre-insurrectionnelle, il inaugure des méthodes que les agents états-uniens utiliseront plus tard en Amérique du Sud. Ouais, je vois ce que vous voulez dire, là. Des méthodes musclées, brutales. Oui, bien sûr. Ouais. Mais pas seulement. Il use aussi à l'occasion de psychologie. Il utilise, par exemple, très habilement, les croyances locales et concourt au développement économique des communautés villageoises. En tout cas, Lonsdale réussit et lorsqu'il quitte les Philippines, l'archipel est doté d'un président aux solides convictions anticommunistes. Un vrai succès, donc. Et ça lui vaut d'être envoyé au Vietnam, où les États-Unis sont bien décidés à prendre la relève de la France et à endiguer le communisme. Mmh. Que les Français le veuillent ou non, c'est bien ça. Oui, oui, ils ont déjà un homme dans la place, le Premier ministre Diem. Cet homme, issu d'une famille de mandarins, est en effet très lié à l'Église catholique états-unienne. Il a d'ailleurs séjourné souvent en Amérique et il est proche du fameux cardinal Spellman. Mmh. Ouais, il est donc pro-américain. Ah, ça, c'est certain. Mmh. Oui. Ce qui n'empêchera pas, beaucoup plus tard, hein, il faut le rappeler, d'être assassiné vraisemblablement à l'instigation des Américains. En 1963, oui. Ouais. Et que voulez-vous, il devenait gênant et par trop impopulaire. Mais pour l'instant, nous sommes en 1954. Et le poulain du colonel Lonsdale, c'est incontestablement Diem. Ouais. Et la position des Français, alors, vis-à-vis de Diem Ils n'ont pas été ravis, c'est le moins qu'on puisse dire. Lorsque l'empereur Bao Dai l'a choisi comme Premier ministre. Pour quelle raison, alors Diem est un nationaliste pur sucre. Donc forcément hostile aux colonisateurs français. Et soyons francs, nous allons tout faire pour l'éliminer. Nous, là, c'est qui? Les Français présents sur place, militaires et bien sûr agents de nos services de renseignement. Mmh, c'est pourquoi vous connaissez si bien cette histoire. Alors, admettons. J'ajoute, avant d'en venir à l'exposé des faits, qu'un nouveau sujet de discorde entre Français et Américains venait d'apparaître. Mendès-France, malgré l'humiliation de Dien Bien Phu, voulait garder des relations avec le Nord-Vietnam. Et au cours de l'été 1954, il a envoyé à Hanoï un délégué général, Jean Saint-Denis, un homme qui connaissait bien Ho Chi Minh puisqu'il avait déjà négocié avec lui en 1945. Oui, ça je savais. Mmh. Et quelle est la mission de Saint-Denis alors? Elle est assez floue. Disons qu'il lui faut simplement assurer une présence française au Nord-Vietnam. Une sorte de politique d'équilibre, si vous voulez. Oui, un équilibre entre le Sud et le Nord. Quoi. Oui, oui, car la France qui veut garder un pied au Sud-Vietnam n'entend pas rompre totalement avec le Nord. Et ça, ça agace profondément Washington, pour qui Hanoï est déjà l'ennemi à combattre. Mais le pire est à venir. Qui est ce Ngô Đình Diệm sur lequel misent les Américains et particulièrement ce colonel Lonsdale? J'ai trouvé les éléments suivants dans l'ouvrage de Philippe Franchini, Les deux guerres d'Indochine. D'apparence, l'homme n'est guère convaincant. Il n'a pas la prestance ni l'allure moderne d'un Bao Dai, non plus que la vivacité énergique et le faciès carré d'un Nguyen Van Tham. En vêtements européens, il a toujours l'air d'être habillé de la robe traditionnelle cisseillante aux rondeurs. Sa poignée de main est molle. Bref, pour un regard occidental, il ne paye pas de mine. Pourtant, Ngô Đình Diệm est moins rond qu'il n'en donne l'impression. La douceur de ses traits est démentie par un regard aux éclairs durs et une bouche que pince l'obstination ou la colère retenue. Il ne convient pas non plus de se fier à sa manière de donner la main, le geste n'étant pas dans les mœurs de l'Asie. En fait, son tempérament est celui d'un autoritaire irascible qui sait se maîtriser et d'un entêté peu accessible au conseil. Sa vie est faite de longues éclipses volontaires, de manifestations brèves et nettes, qui lui ont forgé une réputation de patriote ombrageux, doté de penchants messianiques. La première vraie crise commence à la fin de l'été 1954. En quelles conditions? Dans les cercles français de Saïgon, et particulièrement chez les militaires, on a pris conscience que, grâce au Premier ministre Diệm, les Américains allaient prendre la main au Sud-Vietnam. Ah, il faut donc lever l'obstacle Diệm. Exactement, et un véritable complot se met en place. Un complot pour renverser Diệm. Et un complot qui réunit qui alors? Du côté français, il y a des gens de l'entourage du général Salan, adjoint du haut commissaire français, le général Ely. Salan qu'on appelle le mandarin, comme vous le savez, tant il semble à l'aise dans cette Indochine où il a souvent séjourné. Peut-être d'ailleurs fait-il lui-même partie de la conspiration. Comme je vous l'ai laissé entendre, il y a aussi les types du SDEC qui sont en poste au Sud-Vietnam. D'accord, ça c'est le côté français, mais du côté sud-vietnamien? Il y a du monde. Car à Saïgon, on n'aime pas beaucoup Diệm et son côté rigoriste. Mais le chef de file incontestable, côté vietnamien, c'est le général Van Hin, ce jeune chef d'état-major de l'armée. Un militaire très francophile. Je crois même qu'il possédait la double nationalité. Et surtout très populaire dans l'armée du Sud-Vietnam. Donc un élément de poids pour le complot. Oui, parce qu'il n'aurait qu'un mot à dire pour soulever l'armée contre Diệm. Malheureusement pour lui et pour les autres comploteurs, cette conjuration n'a pas été aussi discrète qu'elle aurait dû demeurer, et Lonsdale en a eu vent. Donc Diệm aussi, par conséquence? Naturellement. Il a été décidé d'éloigner au plus vite le général Hin en l'envoyant en mission en France. Enfin, le piège est un peu trop grossier. Hin, soutenu par ses officiers, refuse. C'est alors que les sectes entrent en jeu. Oui, alors c'est peut-être le moment de parler plus précisément de ces sectes. Vous avez raison, car elles vont jouer un grand rôle dans cette affaire. Les principales sont au nombre de trois. Les caodaïstes, d'abord. Ces gens-là ont créé de toutes pièces une véritable religion, un syncrétisme mêlant bouddhisme, christianisme, taoïsme et spiritisme. Curieux, ça le vivant dit. C'est vrai. On y voit aussi un culte à Victor Hugo et même Jean Jaurès. Ça vous paraît peut-être folklorique, mais au fil des ans, les caodaïstes, sous la férule de leur pape, ont réussi à former une communauté importante qui a essaimé dans tout le pays et s'est parfois substituée à l'administration locale. Dernière précision, ces caodaïstes sont généralement pro-français et anticommunistes. Mais en raison de leur grande influence, ils vont faire l'objet de nombreuses convoitises. Et Lonsdale, en particulier, se débrouillera pour provoquer un schisme. Enfin, n'allons pas trop vite. Oui, j'allais le dire. Je vous en prie. Parlons donc de la deuxième secte qui est bouddhiste, les Hoa Hao. Ont constitué une puissante milice. D'abord proche du Viet Minh, ils sont devenus eux aussi pro-français. Et puis il y a les troisièmes, les plus redoutables, les Binh Suyen. Pourquoi les plus redoutables alors? Parce qu'ils ne se soucient guère de religion. Les Binh Suyen forment une véritable mafia. Quoi? Des gangsters? Précisément, oui. Ces types sont organisés à la façon des triades chinoises et contrôlent la plupart des trafics, drogue, jeux, prostitution. Une sorte de monopole qu'ils exercent en parfait accord avec les autorités. Les autorités françaises? Oui, c'est allé si loin que pour avoir la paix, on leur a confié la police de Saïgon. La police confiée à des gangsters? C'est la vérité. Et dans la région qu'ils contrôlent, au sud de Saïgon, ils font la loi et s'occupent du maintien de l'ordre. Il faut dire qu'ils rendent bien les services. C'est-à-dire? Je crois vous en avoir déjà parlé de ça. Pour rallier certaines populations qui cultivent traditionnellement le pavot, des commandos de l'armée, en parfait accord avec les gars du SDEC, ont purement et simplement proposé de s'occuper de l'acheminement par avion de l'opium, de la drogue que les Binh Suyen réceptionnent à Saïgon et commercialisent ensuite. au Sud-Vietnam, mais aussi en Europe, et même plus loin avec la complicité du milieu corse. Mmh. Certains militaires français sont donc devenus des trafiquants de drogue. Mais pour la bonne cause, évidemment. Oui, oui. Notez-le bien plus tard, la CIA ne fera pas autre chose. Alors, ces Binh Xuyen, là, sont donc presque forcément pro-français. Ah, d'autant que le gang a eu autrefois maille à partir avec le Viet Minh. Enfin, quoi qu'il en soit, ces Binh Xuyen, qui regroupent plusieurs milliers d'hommes armés, constituent une force avec laquelle il faut compter. Ah, surtout s'ils sont en charge de la police, c'est le nom. Oui, mais... j'ajoute, pour compléter le tableau, que le premier ministre Diem crée lui aussi sa propre secte, le Khan Lao, un mouvement très structuré, organisé à la manière des partis communistes, avec des cellules très cloisonnées et centralisées. Une sorte de parti officiel. Mais sur le plan idéologique? Le Khan Lao s'inspire de la philosophie d'Emmanuel Mounier. Ah bon, le personnalisme? Oui, oui, l'exaltation de la personne humaine en opposition avec le socialisme de masse que prêchent les marxistes. Une théorie qui échappera sans doute à la plupart des membres du Khan Lao, mais enfin, peu importe. Le mouvement recrutera chez les monarchistes, les ultranationalistes et bien sûr les catholiques et comprendra aussi des groupes d'action très efficaces. Des groupes d'action, des groupes capables de descendre dans la rue. Ouais, et de faire des coups de main. Toutes ces sectes ont des représentants au gouvernement. Mais lorsque le conflit éclate entre Diem et le général In, les sectes choisissent de soutenir ce dernier et quittent le gouvernement. Le chef des Binh Xuyen, Bai Vien, se rend même en France et demande à Bao Dai de limoger le Premier ministre. Bao Dai en a le pouvoir ? Théoriquement, oui, mais pratiquement non. D'autant que Diem n'a nullement l'intention de démissionner. Mieux, il lance ses troupes dans les rues de Saigon. Des manifestations, quoi. Oui, et la police aux mains des Binh Xuyen intervient brutalement et tire dans la foule. Cette fois, le chaos menace. Oui. Et ça peut dégénérer. En effet, oui. Et les tuteurs, c'est-à-dire l'armée française et les Américains, décident de sonner la fin de la partie. Les militaires français interviennent dans les rues de Saigon et le général Ely, notre haut commissaire, s'entremet auprès des uns et des autres pour prêcher le calme et la réconciliation aux grandes dames des comploteurs qui auraient voulu profiter de ce désordre pour en finir une fois pour toutes avec Diem. Et les Américains alors ? Lansdell laisse entendre au général In que si le calme ne revient pas, l'aide économique américaine pourrait cesser d'un jour à l'autre. Or, sans cette aide, le Sud-Vietnam risquerait de ne pas survivre. Parce que cette aide est considérable ? Oui, songez que même la présence militaire française est financée par les États-Unis. Ouais. Alors, si les Français veulent rester au Sud-Vietnam, ils ont intérêt à composer. Hein. Bien sûr. Mmh. Et Paris doit accepter de soutenir Diem. Pas de très bon gré, j'imagine. C'est certain. Et ça grogne chez les officiers français dans les services spéciaux. Mais est-ce que le calme est vraiment rétabli, là ? Apparemment, oui. Diem remanie son gouvernement et les représentants des sectes reviennent. Ouais, mais vous avez dit apparemment. Parce que malgré l'accord qui semble exister entre Paris et Washington, certains n'ont pas renoncé à abattre Diem. Diem qui a été notoirement affaibli par cette première crise. Et un nouveau complot est en préparation, avec les mêmes protagonistes. Ouais, le général In, là. Et tous ceux qui en tiennent pour la France. Fin octobre, des éléments de l'armée sud-vietnamienne doivent se lancer à l'assaut du palais présidentiel et déloger Diem. Ouais. Mais, encore une fois, il y a eu des fuites. Ah, et Lansdell a été mis au courant ? Et il joue finement. Deux des principaux officiers du général In, impliqués dans la préparation de ce coup de force, sont invités à se rendre aux Philippines pour voir concrètement comment, là-bas, on lutte contre le communisme. Ouais, mais ça, c'est difficile de se dérober. Dans évidemment. Ouais. Privé de ces deux officiers, In est obligé d'annuler son putsch. Et comprenant que les carottes sont cuites, le général Salan choisit de revenir en métropole, bientôt suivi par In, qui a été relevé de son commandement. Est-ce que ça veut dire que Diem, et avec lui les Américains, ont gagné définitivement la partie ? Non. Non, car des hommes sont décidés à passer à l'action. L'action violente, je veux dire, c'est-à-dire le terrorisme. Quelques précisions sur ce trafic de drogue organisé par l'armée française et le SDEC. Je lis ceci dans le récent et passionnant ouvrage de Jacques Folloroux et Vincent Nouzille, Les Parrains Corses. Partisan d'une contre-guérilla sur plusieurs fronts, le SDEC décide en 1950 de passer des accords avec des tribus des collines, principalement les Méo, afin qu'elles harcèlent l'ennemi Viet Minh. Ces forces supplétives, composées de près de 40 000 maquisards qu'il faut armer, sont encadrées par le groupement de commandos mixtes aéroportés, GCMA, du lieutenant-colonel Edmond Graal, assisté du commandant Roger Trinquier. Elle multiplie les raids, sabotages et assassinats de rebelles avec l'aval de l'état-major de Salan et du SDEC. Toutes ces opérations clandestines coûtent cher. Entre 1951 et 1954, le responsable du SDEC à Saigon, le colonel Maurice Belleux, met au point le trafic d'opium pour aider ses alliés à travers l'opération X. Achetée au Méo, la récolte annuelle du pavot est transportée par le GCMA en avion du Laos jusqu'à un terrain militaire secret près de Saïgon. La marchandise est écoulée avec l'aide des bandits des fleuves, les Binh Nguyen, dont le capitaine Antoine Savani, un Corse du 2e bureau militaire, s'assure le ralliement. Une partie de l'opium est ensuite revendue aux contrebandiers chinois ou aux trafiquants corses très bien implantés dans la région, qui la dirigent vers la Chine ou vers les laboratoires de Marseille. Avant d'évoquer ces actions violentes, un mot encore sur les rapports franco-états-uniens au Sud-Vietnam. Des rapports qui pour l'instant, ont nettement tourné à l'avantage des Américains. Et ça va continuer. Ouais. À la fin 54, notre haut commissaire et le nouvel ambassadeur américain, le général Collins, signent un accord. La formation de l'armée sud-vietnamienne est désormais confiée aux États-Unis, même si, en principe, le général Lee doit superviser l'organisme qui en est chargé. Un organisme où, comme par hasard, le service de sécurité est confié au colonel Lansdale. C'est-à-dire à la CIA, hein. En étant à l'intérieur de l'armée sud-vietnamienne, on commence l'épuration. Ce qui signifie, hein. Les éléments les plus francophiles sont invités à démissionner. Et encore plus inquiétant pour les Français, Saïgon coupe la plupart des liens qui la rattachaient encore à Paris. Le Sud-Vietnam quitte l'Union française et la zone franc. Le Sud-Vietnam se replie sous l'aile états-unienne. Exactement. Ouais. Une autre offensive de Lansdale contre la France n'est pas moins préoccupante. À coup de millions de dollars, l'agent de la CIA provoque une dissidence au sein de la secte caodaïste. Leur chef d'état-major, le colonel Trinh Minh Thế, fait sécession et emmène avec lui 2500 combattants. Il rejoint donc le camp du Premier ministre. Oui, à mon avis, ce Thé était depuis longtemps déjà un homme de la CIA. En tout cas, c'est un vrai coup dur pour le camp français qui se sent trahi. Lansdale tentera même une opération semblable avec les Binh Nguyen, mais là, il se fera éconduire. Pourquoi ? Parce que ce gang qui vit grassement de l'exploitation du vice n'a pas besoin de l'argent américain. Bai Vien, son chef, est en effet l'homme le plus riche de Saïgon. Mais Diem, sans doute conseillé par Lansdale, se vengera en lui ôtant le monopole des jeux, au nom de la moralité publique. Ben voyons, oui. Une première attaque qui sera suivie de beaucoup d'autres. Quoi qu'il en soit, ces manœuvres de débauchage irritent au plus haut point les Français, et tout particulièrement les gens du SDF. Ouais, mais enfin, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Au début du mois de février 1955, ils sont à l'origine de la constitution d'un front anti-Diem. Un front qui s'appellera bientôt le Front uni des forces nationalistes. Et qui en fait partie, là ? Les sectes, les officiers sud-vietnamiens francophiles et l'empereur Bao Dai. Ouais. Et derrière, les services spéciaux français, ça. Bien entendu. Ouais. Et en sous-main, les autorités militaires qui en ont assez de manger leur chapeau. Au mois de mars, ce Front uni lance un ultimatum à Diem. Il lui demande de constituer dans les 5 jours un gouvernement d'union nationale réellement représentatif. Réponse de Diem ? Il refuse. Et il riposte en lançant ses troupes, c'est-à-dire les forces de Cao Lao et sa garde présidentielle, formée à l'initiative de Lansdale contre le QG de la police. Ah bon, carrément. Là. La place forte des Binh Nguyen. Les combats durent 2 jours. Il y a de nombreux morts et blessés. Les Binh Nguyen repoussent les hommes de Diem. Et finalement, comme à l'automne précédent, l'armée française, en parfait accord avec l'ambassade états-unienne, intervient pour séparer les belligérants. Mais malgré cet accord de façade et la proclamation d'un cessez-le-feu qui durera 3 semaines, le débauchage continue. Qui cette fois-ci ? Un autre général caodaïste qui a coûté, paraît-il, quelques 3 millions de dollars aux pièces de la CIA. Toutefois, je veux dire ici qu'il n'y a pas unanimité chez les Américains. L'ambassadeur Collins, en particulier, n'apprécie pas beaucoup l'intransigeance de Diem et les provocations permanentes auxquelles il se livre à l'instigation de Lansdale. Mais comme, bien souvent, c'est la CIA qui l'emportera sur le département d'État, et Collins ne tardera pas à quitter son ambassade. On avait dit là précédemment que la trêve n'a duré que 3 semaines. Alors, comment ça recommence ? Bon, par un nouvel éclat de Diem. En avril, il limoge le chef de la police. Ah oui, ce chef de la police qui est un affilé des Binh Nguyen. Hein. Oui, oui, il le remplace par un de ses hommes, et il n'en faut pas plus pour que la secte réagisse très violemment et commence à saccager Saïgon. Les Binh Nguyen attaquent même le palais présidentiel au mortier. Mais leur chef, Bai Vien, hésite à engager toutes ses forces. Pourquoi ? Parce qu'il pense que, comme d'habitude, le contingent français va intervenir. Ce n'est pas le cas ? Non. Non, Paris a donné des consignes de neutralité. Tout comme Washington, d'ailleurs. Mais les deux capitales ne sont guère écoutées. En fait, le combat qui se livre à Saïgon, un combat qui va faire un bon millier de morts, des milliers de blessés, et autant de sans-abri, oppose clairement le SDEC et la CIA par Vietnamiens interposés. Et tous les moyens sont bons. Ah, c'est-à-dire ? Eh bien, du côté français, les services spéciaux ont passé un contrat sur la tête de Lansdale. Un contrat ? Mais avec qui ? Les trouver en Corse. Mais ceux-ci rateront l'Américain. Et finalement, les Corses trouveront un terrain d'entente avec l'homme qu'ils étaient chargés de tuer. Quel genre d'accord, là ? Enfin, laissez tomber ce contrat. Et plus tard, quand l'ordre sera rétabli, je me débrouillerai pour que le gouvernement ferme les yeux sur vos activités criminelles. Et pour les voyous, ce sont des arguments décisifs. Quoi qu'il en soit, la politique de débauchage de Lansdale et les millions de dollars qu'il distribue à droite et à gauche finissent par porter leurs fruits. Et à l'issue de ces quelques jours qui ensanglantent Saïgon, c'est son protégé qui sort vainqueur de l'affrontement. Et pourtant, il s'en est fallu de peu. Ah bon, il faut expliquer là. Bon, au beau milieu de ces combats meurtriers, un avion se pose sur l'aérodrome de Saïgon. À bord, il y a le général In. Celui qui a déjà voulu renverser Diem. Hein? Oui, oui, un officier qui reste très populaire dans l'armée. Mais les hommes de Diem contraignent l'avion à rester en bout de piste. Il y a là un jeune capitaine qui fera plus tard parler de lui. Qui deviendra même chef de l'État sud-vietnamien. C'est exact. Qui a joué la carte de la fidélité au Premier ministre. Et In ne peut débarquer. C'est un tournant dans le conflit. Car bientôt, les combattants opposés à Diem, à commencer par les Binseyen, vont se débander. Lansdale a donc gagné. Effectivement. Et peu après, les troupes loyalistes vont pourchasser les rebelles un peu partout dans le pays. En 1956, l'homme de la CIA aura définitivement réussi à casser les sectes. Mais ici, il faut me faire une petite parenthèse qui témoigne de la terrible efficacité des méthodes de Lansdale. Le calme est à peine rétabli à Saïgon que ce général caudaïste dont je vous ai parlé, le général T... Mais celui qui a trahi sa secte. Hein. Oui, donc cet homme vient demander le prix de sa trahison. Mais c'est 30 deniers. Qui sont en fait sa nomination au poste de chef d'état-major de l'armée sud-vietnamienne. Mais ni Diem, ni Lansdale ne veulent le nommer à un poste aussi sensible. Ouais, parce que s'il a trahi une fois, pourquoi ne recommençait-il pas dans l'autre sens ? Exactement. Et Lansdale le fait abattre dans le bureau même de Diem. Et ensuite, le corps est transporté quelque part dans la jungle, enfin là où ont eu lieu des combats entre rebelles et loyalistes. Lansdale poussera même le cynisme jusqu'à accuser les Français de l'avoir assassiné. Quant à la suite, vous la connaissez sans doute, après un référendum truqué, l'empereur Bao Dai est déposé. Le Sud-Vietnam devient une république présidée par Diem. Et peu à peu, les Français quittent le pays. Oui. D'accord, mais enfin, tout à l'heure, vous avez parlé de guerre souterraine et même de terrorisme. Oui, oui, il s'agit d'une affaire très curieuse et parfaitement méconnue. J'ai déjà évoqué l'action des services spéciaux. Un officier français très proche de ces milieux ne va pas hésiter à employer la manière forte contre les Américains. Précisez, là. Cet homme, dont il est inutile de donner le nom, va se livrer à des actions terroristes. Mmh. Une initiative individuelle ? Ah, pas du tout. Ce capitaine affirme avoir agi sur les ordres directs de sa hiérarchie, à commencer par le général Ely, notre haut commissaire, et donc le chef du corps expéditionnaire français. Mais naturellement, ces missions secrètes n'ont jamais fait l'objet d'ordres écrits. Et cet officier a effectivement perpétré des attentats anti-américains ? Parfaitement. Sa mission, c'est ce qu'il a révélé bien plus tard, consistait à rendre impossible la vie des Américains présents à Saïgon. Malheureusement pour lui, la voiture de deux de ses hommes a été contrôlée par la sécurité militaire. À bord, il y avait plusieurs pains de plastique. Ah oui. Résultat ? Ce capitaine a été arrêté, mis au secret. Il a passé quelques jours au cachot où il en a profité pour mettre par écrit tout ce qu'il savait. Et il n'a pas tardé à être libéré et placé en toute urgence dans un avion, direction Paris. Et on n'a plus jamais entendu parler de cette affaire. Mais je dois dire que les Américains n'ont pas été en reste. Hein. Ouais, c'est ce que voulez-vous dire là. Lansdale et ses hommes n'ont pas hésité, eux aussi, à user de tels moyens frappants et explosifs. Leur spécialité, c'était de bourrer de plastique des pompes à vélo. Ainsi que plusieurs bicyclettes stationnées à côté d'établissements fréquentés par les Français ont mystérieusement explosé. Mais ce genre d'attentat peut aussi se retourner contre ses auteurs. Des représailles. Oui. Un de ces poseurs de bombes, un membre de la mission économique américaine. Un homme de Lansdale, vous voulez dire ? Bien sûr. Eh bien, on a retrouvé le corps de ce jeune homme noyé sous un pont de Cholon, la banlieue malfamée de Saïgon. Assassiné. Par nos services spéciaux, très vraisemblablement. Vous voyez donc que la lutte entre les Français et les Américains, pourtant alliés, a été impitoyable. Un dernier mot. Je vous ai dit au début de cet entretien qu'on a cru que Lansdale était le personnage qui avait inspiré Graham Greene. Oui, son Américain bien tranquille. Ouais. Eh bien, je vous engage peut-être à relire ce très intéressant roman. Et vous constaterez par vous-même que le personnage de Pyle ressemble plutôt à ce jeune Américain un peu naïf, expert en piégeage de pompe à vélo qu'on a retrouvé mort sous ce pont de Cholon. Avis au détective de la littérature. Pour notre part, contentons-nous de signaler que dans leur livre France, États-Unis, 50 ans de coups tordus, paru chez Albin Michel, Fabrizio Calvi et Frédéric Laurent évoquent l'histoire d'un officier français, le capitaine Meyer, qui ressemble beaucoup à cet homme qui a perpétré des attentats anti-américains à Saïgon avec l'aval de sa hiérarchie.